Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio aux coups humains, un thème, et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, on rediffuse En mal de toi, le mal logement, une série de Jérôme Sandlars réalisée par Véronique Samouilov. Au départ de cette série, il y a ces 8 semaines chez soi, et puis les loyers qui grimpent et les prêts qui piègent. Mais parfois, il y a cette maison dont on a hérité et qui s'effondre, cet appartement qu'on a eu tant de mal à acheter et qui prend l'eau et ce rêve d'un toit à soi, aussi frêle soit-il. Alors pour commencer, les personnages. Une propriétaire de pas grand-chose, des retraités heureux, un maçon cassé par son métier, un jeune couple et leurs enfants, des ouvriers compréhensifs et des associatifs. Ensuite, le décor. Une tour qui se délite, des ascenseurs en panne, une propriété comme un boulet, des chaudières qui toussent, une tour avec vue, des ventes aux enchères et un mobilhome. Aujourd'hui, 3e épisode, on arrive à Épinay. Je veux une France de propriétaires. Le premier à proposer que la propriété soit un objectif politique, c'est Napoléon III. Napoléon III disait « il faut rendre l'ouvrier propriétaire ». Et un peu plus tard, on a dit « il faut rendre tout le monde propriétaire ». C'est Jules Siegfried, celui qui a inventé les habitations à bon marché, qui disait « il faut rendre l'ouvrier propriétaire parce que la propriété rend conservateur ». C'est donc défendre l'ordre établi et pour éviter la révolution faite des propriétaires. Mon toit prend l'eau ou le mirage de la propriété. Posséder son logement, c'est se mettre à l'abri, transmettre un bien ou assurer ses vieux jours sans loyer à payer. Nombre de politiques ont joué sur cette corde dans leur campagne, de Valéry Giscard d'Estaing avec sa France des propriétaires, à Sarkozy qui visait un objectif de 70% au terme de son quinquennat. Aujourd'hui, la France compte 58% de propriétaires, mais si pour la plupart l'acquisition d'un bien constitue une réelle protection, pour d'autres, elle est un gouffre financier. En effet, beaucoup de propriétaires pauvres ne disposent pas des ressources suffisantes pour assurer l'entretien ou la rénovation de leur logement. Ils se retrouvent alors contraints d'habiter des lieux de vie dégradés ou sont incapables de se chauffer. Certains vivent à la périphérie des villes, en immeubles ou en maisons individuelles à la campagne, d'autres encore en mobilhome à l'année. Tous sont en situation de fragilité et de mal logement. Où est-ce qu'on se trouve là, Salima ? Alors, on se trouve à Épinay-sur-Seine, pas loin du centre-ville en fait. Nous avons vraiment tout à proximité. Une boulangerie, la poste. Donc là, vous avez à la rue du Mât plusieurs bâtiments, donc certains privés. Alors, ce sont plutôt des grands immeubles hein, qui font une quinzaine, voire une vingtaine d'étages. Exactement, ce sont des grands immeubles. Ils ont été construits dans les années 60, 70 à peu près. Et ce sont tous des immeubles de 15 à 20 étages environ. Alors là, nous rentrons dans le bâtiment. Tout a été repeint, les boîtes aux lettres, etc. Nous avons fermé suite aux jeunes qui dealaient, justement, dans cette salle-là. Il y a combien de personnes qui vivent à peu près dans cet immeuble ? Alors, exactement, je crois qu'on est à 165 personnes dans tout l'immeuble. Nous avons 17 étages, 4 appartements par étage. Et puis le gardien qui est sur place, mais qui ne loge pas ici. Alors là, nous allons continuer le hall. Comme je vous ai dit, ça a été refait, mais malheureusement, suite à des fuites d'eau. Voilà, les dégradations ont commencé, donc comme vous pouvez le voir au-dessus de vous, malheureusement, ça s'est dégradé encore. Alors là, nous avons donc deux ascenseurs. dont un en panne. Il y a marqué ascenseur HS, technicien avisé en urgence, merci gardien. Voilà, vous pouvez en prendre qu'un seul, malheureusement, l'ascenseur impair qui fonctionne pour le moment, mais qui peut s'arrêter du jour au lendemain. Et donc, les charges, etc., à payer quotidiennement pour réparer ces ascenseurs deviennent très, très chères. Ne pouvant pas aller directement au 14e, l'ascenseur pair étant en panne, nous allons monter au 13e et monter donc un escalier. Il y a des gens qui arrivent. Oui, oui, oui. Les voisins. Qui arrivent, voilà. Et un ascenseur pour tout le monde, ça fait trop juste. Ça arrive que les deux ascenseurs soient en panne ? C'est déjà arrivé ? Oui, c'est déjà arrivé. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui font n'importe quoi dans les ascenseurs, du coup ils se bloquent. C'est pour ça. Moi je pense que c'est pas les enfants qui font n'importe quoi. Ça arrive très souvent dans les quartiers. Qu'est-ce qui arrive très souvent ? Les problèmes d'ascenseurs, etc. Les problèmes d'hygiène dans les bâtiments anciens, etc. Et donc c'est long l'ascenseur. Hein. C'est très très long. Alors voilà, quand vous avez un train à prendre, quand vous partez de votre domicile et que vous demandez l'ascenseur, souvent le train il est raté malheureusement. Oui, il faut descendre par les escaliers, mais on perd un certain temps également quand même. Mais c'est déjà arrivé à nous tous de monter les escaliers en étant chargés. J'appuie sur le 13. 13. Au revoir, monsieur. Monsieur qui sort au 7e étage. Au revoir, monsieur. Donc, nous voilà arrivés au 13e étage. On va sortir et donc prendre les escaliers pour pouvoir monter au 14e. Et aller à mon appartement. Allons-y. Alors, comme vous allez voir, les escaliers sont très sales. Il y a des graffitis partout. Et voilà, on arrive donc mon appartement au 14e étage. Voilà un problème que j'ai eu dans l'entrée suite à des dégâts des eaux avec mes voisins. Là encore, la peinture est toute écaillée. Complètement. Donc j'attends de la refaire parce que sans VMC, ça va encore retomber. Nous n'avons plus du tout de ventilation dans les appartements. Donc, à part ouvrir, il n'y a pas d'autre solution. Et malheureusement, dans le couloir, ni dans la salle de bain, je n'ai pas de fenêtre. J'ai un 3 pièces qui comporte donc 2 chambres, un salon, une grande cuisine. Il y a un peu de lumière. Voilà la chambre des enfants. J'ai 2 garçons. Avec des lits superposés. Et un grand lit en bas, un plus petit au-dessus. Ils ont quel âge ? 20 ans et 15 ans. Voilà. Ah, et donc, il nous reste donc, la pièce principale ici. Et il nous reste donc la cuisine, qui est assez grande. Et d'ailleurs, qui m'a fait craquer la première fois quand j'ai visité l'appartement ? C'était d'abord la cuisine. Une cuisine blanche et rouge. Exactement. Assez moderne. Alors, cuisine qui est ouverte sur le salon et la salle à manger. Exactement. Dites donc, vous avez une vue magnifique d'ici. Alors oui, nous sommes au 14e étage, ce qui fait que ça permet d'avoir une vue fantastique. Le lever du soleil est vraiment, c'est magnifique. Alors c'est beau de se réveiller tôt et de regarder ça par la fenêtre. Aujourd'hui, je trouve qu'il fait assez froid et bon, on n'a pas de chauffage encore, mais malheureusement, même quand on en a, c'est jamais réglé correctement, c'est trop fort, pas assez fort. Et souvent, nous avons eu des pannes, hein, puisque tout est vieux dans le bâtiment, ce qui fait que pas de chauffage, ni d'eau chaude, ni d'électricité. Donc, on s'est retrouvés plusieurs jours, c'est déjà arrivé, sans rien, sans lumière et sans chauffage. Et ça a été vraiment difficile en plein hiver. Hein, on n'a pas double vitrage. Et quand il pleut, dès qu'il y a un petit peu de vent, toute l'eau rentre dans l'appartement. Donc nous attendons encore une fois des travaux. Marre de cette ville. Mais moi aussi j'en ai marre. Mais c'est peut-être pour jouer, je veux vivre avec toi, me marier, avoir des enfants. Oh, tu m'aimes pas? Mais c'est pas une histoire d'amour, c'est pas. On n'a pas de rond, toi. Je vais travailler. Oui, mais on n'a même pas d'appartement. Je vais en trouver un, moi. Comment vous êtes retrouvée ici, Salima ? Nous étions des jeunes mariés, en fait. Je me suis dit, au lieu d'aller payer des locations... J'avais envie d'avoir quelque chose à nous en attendant de pouvoir acheter une maison ou autre. Selon nos moyens, on était très jeunes, donc c'était un petit peu le hasard. Épinay, je ne connaissais pas du tout. Et voilà, en regardant à droite à gauche les appartements, celui-ci m'a plu. Ça remonte à 23 ans. À l'époque, nous l'avons acheté à 430 000 francs. Ça me convenait très bien, on n'avait pas encore d'enfants et... Et voilà, ça nous faisait un apport pour plus tard, éventuellement. Entre-temps, je me suis retrouvée seule, donc divorcée. Malheureusement, je n'ai pas pu déménager, même si je l'ai souhaité fortement et que je le souhaite encore. Voilà, je me retrouve dans un petit nid, on va dire, mais un peu enfermée quand même. Une prison dorée, parce que je suis bien chez moi. Par contre, quand on n'a pas d'ascenseur, là, ça devient vraiment difficile à vivre au quotidien. Ça fait combien de temps que la copropriété est en difficulté ? Cela fait environ entre 10 et 12 ans, je pense, facilement. On essaie d'en s'en sortir, mais c'est difficile. Maintenant, je pense qu'on est, on commence à avancer. C'est un petit peu mieux que ça a été. Dans cette résidence de style géorgien, des appartements sur mesure ont été construits par les plus grands architectes. Dis donc, mais vous allez nous en faire visiter combien de cages à lapins comme ça? Mais c'est pas possible, ça. Ma chérie, mais calme-toi. Non, mais c'est vrai, non, tout c'est pris. Alors le phénomène des copropriétés dites fragiles ou en difficulté, aujourd'hui on estime que ça représente 20 à 25% des copropriétés en France. Ça représenterait environ 100 000 copropriétés en France. Et il faut savoir que c'est un phénomène qui est grandissant. Charlène de Vargas dirige le pôle copropriétés fragiles et en difficulté de l'ARC, l'association des responsables de copropriétés. D'où une intervention qui doit être de plus en plus massive, aussi bien pour traiter les problèmes une fois qu'ils sont arrivés, que d'agir sur les actions de prévention. Donc c'est un phénomène national qui se retrouve partout. Quand nous sommes arrivés ici, la toute première fois, alors il y avait un gardien à l'entrée. L'entrée était propre, magnifique, des ascenseurs avec des tapis rouges au mur, etc. C'était très très beau. Et puis, au fur et à mesure, j'ai vu que ça a commencé à se dégrader. Les propriétaires sont partis. La plupart ont mis en location ou ont vendu, puisque ça se dégradait de plus en plus. Et à ce moment-là, nous avons commencé à avoir des problèmes de personnes qui ne pouvaient plus payer les charges. Et on a commencé à s'endetter. Et aujourd'hui, nous dépendons d'un administrateur judiciaire. Et c'est pour ça que je me suis inscrite au conseil syndical, en fait, pour pouvoir faire bouger les choses un petit peu. En tant que conseil syndical, je mets souvent des affichages pour leur expliquer le pourquoi du comment, comment gérer ça, comment vivre ensemble. Mais malheureusement, le lendemain, c'est arraché. Salima, quand vous parlez d'impayés de charges, est-ce qu'on peut avoir un ordre de grandeur ? Alors, un ordre de grandeur, on a 50% de personnes qui ne payent pas les charges dans ce bâtiment. Nous avons des personnes qui sont endettées jusqu'à 120 000, 130 000 euros au niveau des charges et qui auront beaucoup de mal à pouvoir les payer. Donc il y a eu souvent des appartements vendus aux enchères à des prix très bas parce que les gens n'arrivaient plus à payer et ni les charges ni leur crédit, je suppose. Donc malheureusement, quand c'est vendu aux enchères, c'est vendu très bas, ce qui fait qu'on récupère des personnes qui n'arriveront pas à payer les charges derrière. Attends, tiens bon, hein. Pousse. Non, ça va. Pousse. Je peux pas plus. Tiens, mais nouveau d'un côté qui arrive. Attrape l'autre côté. Et de quoi ils ont l'air? Marlène, attends. Des jeunes. Mais naturellement, où il y a les jeunes, c'est le petit sort qui s'installe. On n'a pas fini avec cela encore. Il y a aussi la question Charlène de Vargas. À qui appartient la copropriété ? Est-ce que c'est à des propriétaires occupants ou est-ce que c'est à des propriétaires bailleurs ? On remarque que dans les copropriétés où il y a une majorité de copropriétaires bailleurs, on va avoir des risques de dégradation plus importants. C'est toutes ces lois, ces liés, les compagnies, c'est... donc des personnes qui investissent pour louer leurs biens, c'est ça ? Et la problématique, c'est que c'est des acquisitions qui sont effectués pour de la rentabilité. Et du coup, quand on est dans une logique de rentabilité, on va avoir moins envie d'investir dans des travaux d'entretien de la copropriété. Et ça peut poser problème pour favoriser le vivre ensemble et juste l'entretien de la copropriété. On a beaucoup aussi sur ces copropriétés en difficulté le phénomène des bailleurs indélicats. C'est des bailleurs qui, du coup, vont racheter aux enchères pour une très maigre somme ces appartements et puis après mettre des locataires, ne pas payer leurs charges, puis attendre qu'une nouvelle saisie immobilière soit lancée pour recommencer. Ce qu'on appelle les marchands de sommeil. Exactement, c'est le phénomène des marchands de sommeil et sur lesquels, aujourd'hui, en état, le cadre légal ne permet pas d'agir efficacement et rapidement sur ce phénomène-là. Et le fait que les appartements partent aux enchères, qu'est-ce que ça peut avoir comme incidence ? Alors, ça a été souvent racheté par des marchands de sommeil qui ont mis par la suite en location à des grandes familles qui peuvent aller de 10-15 personnes, voire plusieurs familles. Ce qui fait que, ne serait-ce qu'au niveau des charges, etc., déjà, que ça soit l'eau, on consomme beaucoup plus. Et le bruit, la saleté, nous retrouvons plein de gens qui jettent des choses par la fenêtre, des couches, des bouteilles de vin. C'est vraiment très très sale. Donc malheureusement, nous avons des rats de plus en plus. Alors à plusieurs reprises, nous avons fait en sorte d'ameuter un petit peu les gens du quartier. J'ai fait du porte-à-porte pour aller voir les personnes, pour me présenter en tant que conseil syndical. Et deux, trois fois, nous avons fait le nettoyage, que ça soit des caves, de l'extérieur, avec les personnes locataires ou propriétaires, puisque nous n'avons pas les moyens de payer une société pour ça. Et finalement, ça s'est très bien passé. Nous avons fini par un barbecue, chacun a apporté des petits gâteaux à manger, et ça s'était bien passé. Donc je vais essayer de bousculer les gens jusqu'au dernier moment. Il faut qu'on se sorte de ça, vraiment. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Salima ? Je suis responsable d'un service accueil et standard. J'y travaille depuis plus de 20 ans. Et vous gagnez bien votre vie ? Non. 1 800 euros net par mois. Voilà, il m'est difficile avec un salaire de payer les études des enfants, de gérer le quotidien, de pouvoir manger tous les jours et de pouvoir assumer tout ce qu'il y a derrière, en fait. Malheureusement, les charges sont quand même très importantes actuellement. On va de 300 euros minimum à 600 euros par mois. Donc, tout le monde est en difficulté pour pouvoir payer les charges. Voilà un exemple, au mois d'août, j'ai payé dans les 900 euros. Et là, début septembre, j'ai reçu une facture de 1300 euros pour pouvoir payer tous les travaux que nous organisons dans le bâtiment. Ce n'est qu'un début. La facture du mois d'août a été payée, celle de septembre, je n'y arrive pas. Donc, je vais essayer de trouver une solution afin de payer tout doucement ou en plusieurs fois. En étant propriétaire, ici, les impôts fonciers sont très chers. On est plutôt dans les 1400 euros en taxes foncières. Qu'est-ce qui vous est arrivé de songer à vendre cet appartement ? Alors, il m'est arrivé d'y songer, effectivement, donc juste après mon divorce. J'avais fait appel à une agence qui était venue estimer l'appartement. Je venais de refaire les travaux. Sauf que ça s'est vite dégradé derrière, avec les ascenseurs, etc. Et que ça a complètement chuté. Et je pense qu'avec le salaire que j'avais à l'époque, puisque je travaillais à temps partiel, je n'aurais pas pu avoir un appartement en location avec un seul salaire. C'était pas possible. Je gagnais environ 1200 euros par mois. Et comme je vous ai dit, on se retrouve dans cette prison dorée où on assume, on essaie d'assumer le quotidien. Ce quartier, je pense que moi, mes enfants l'aiment. Moi, ils m'ont dit, maman, on est très bien ici, on n'a pas envie de partir. Et c'est pour ça qu'il y a aussi l'hésitation du fait de partir et de les déloger quelque part de leur quartier. Tous ces travaux, qui est-ce qui va les payer ? Alors, les travaux, ça va être payé une partie par nous, et une partie, on a eu une aide de l'État par rapport à tout ce que nous avons fait en conseil syndical. Le fait de s'être fait remarquer, ça a permis aussi bien au maire qu'à l'État de se dire ils ont envie de rester chez eux, ils n'ont pas envie de laisser tout dégrader. Donc on a une aide qui va nous aider à tout, enfin à faire une grande partie en tout cas des travaux. Enfin, j'ai ma maison, j'ai mon jardin, mon chat, mon chien et ma barrière. J'ai enfin un coin de terre, mes quatre pommiers, mon cerisier. Enfin, j'ai ma maison, mon coin de bleu, mon coin du feu, mon coin de rivière. Je suis devenue propriétaire et je vis ma vie à crédit. Il y a le maçon et le plombier, le menuisier, les factures et les murs à refaire. Mais c'est oublié, c'est classé, c'est payé. Faut rêver. Gaspard Lyon, vous êtes doctorant en sociologie à l'EHESS et vous avez rédigé une thèse que vous vous apprêtez à soutenir très bientôt sur les personnes qui vivent en camping à l'année. Alors c'est un phénomène effectivement qui s'est beaucoup développé au cours des années 80, 90, en particulier depuis les années 2000. On ne dispose pas de statistiques sur ces situations. Certaines associations peuvent parler de 200 000 personnes à l'année. Voilà, donc c'est des chiffres qui sont à prendre avec énormément de précautions. Après, ce qu'on peut dire quand même, c'est que c'est un phénomène qui s'est énormément développé dans les, autour des grandes villes, donc qui sont marquées par la cherté du foncier et de l'immobilier. Il y a un premier type de facteur qui est lié à la crise du logement, avec de plus en plus de personnes qui ne parviennent pas à satisfaire leurs aspirations sur le marché résidentiel classique et qui vont donc se replier sur cette forme d'habitat qui est plus accessible, qui est moins onéreuse. Donc dans cette optique, le camping peut faire figure d'alternative à la maison résidentielle inaccessible pour les classes populaires. Il peut servir également de refuge pour des personnes qui ont été privées de logement ou qui ont connu des difficultés résidentielles à la suite d'une séparation, d'un divorce par exemple, ou d'un licenciement. Et il peut également permettre à des personnes plus précarisées encore, qui ont pu passer par la rue, de retrouver une certaine stabilité et de s'en sortir finalement. Donc ça, c'est un premier grand type de facteur qui permet de comprendre le développement de ce phénomène. Le second, c'est celui de l'offre, le fait qu'il existe une offre qui réponde à cette demande. Il faut savoir d'abord que le camping, c'est en France, c'est une forme qui est extrêmement développée. Il existe plus de 700 000 emplacements de terrains de camping, donc ce qui fait de la France le premier parc européen en termes d'emplacement de terrains de camping, le deuxième après les États-Unis. Donc il y a une offre qui est considérable, qui permet d'accueillir cette demande, avec des mobil-homes donc, qui sont de plus en plus conçus pour une occupation prolongée, de plus en plus confortable, et donc qui vont permettre de répondre à une demande croissante de ménages qui cherchent à accéder à la propriété. Et enfin, le dernier facteur à prendre en compte, c'est celui qui concerne un certain nombre de gérants, notamment des municipalités, qui sont nombreuses à détenir des terrains de camping, qui peuvent décider d'accueillir des personnes précarisées sur ces terrains ou accepter la présence de ces personnes précarisées sur ces terrains, parce qu'elles n'ont pas forcément les moyens ou le désir de reloger ces personnes ailleurs sur leur territoire. Vous êtes en train de tailler vos fleurs ? Oui, bah, il faut bien, hein. C'est la saison, moi, un peu, hein. On se demandait qui étaient les gens qui vivent ici, en camping, à l'année. Des gens comme nous qui vivent à l'année, camping qui est très bien, c'est très calme. Et puis chacun a sa petite parcelle, mais moi je sais que jusqu'à la fin de ma vie, je resterai ici. Hein. On était en HLM avant, ça change quand même. Hein. Ouais. Vous avez un mobil-home en bois, hein, complètement recouvert de bois. Oui. Vous voulez visiter ? Bon, on n'a pas fini tous les travaux parce qu'il nous reste la cuisine. Mais nous sommes au camping de la Garenne, dans l'Oise, où de nombreuses familles vivent en mobil-home à l'année. Une manière de satisfaire leur rêve de propriété à moindre frais. Voilà. Alors là, on a une cuisine. Monsieur, bonjour. Monsieur, c'est là. Là, on a bonjour. Un petit salon. Là, nous avons une petite salle de bain, plus petite qui est bien quand même. Hein. Et là, on a trois chambres. Mais là, c'est la chambre de mon petit-fils quand il vient en vacances. Voilà. Bon, ça vaut pas une maison, mais bon, pour nous, c'est très bien. Nous, ça fait 15 ans qu'on est là quand même. Moi, j'habitais en HLM à Montataire. C'est pas très loin d'ici. Et quand j'ai rencontré mon mari sur le palier, on s'est rencontrés, on s'est mis ensemble, puis il me dit « Écoute ma puce, ça ne te dirait pas d'aller habiter dans un mobil-home ?» Moi, je ne savais pas ce que c'était. Donc, on est venu ici, on a visité plusieurs trucs, et il y avait celui-ci qui était disponible, et puis on a acheté celui-ci. Mais il y a eu des transformations, parce que là, c'était fermé avant. Hein. On rentrait par là-bas, donc nous, on a fait l'entrée de l'autre côté. C'est mon mari qui a coupé pour faire... Et donc, du coup, à l'époque, vous travailliez tous les deux ou c'était on travaillait tous les deux, et là, maintenant, on est en retraite. Moi, voilà. Moi, je suis arrêtée depuis 2003. Et toi, 2008. Voilà. Comme j'étais dans le bâtiment, mieux que j'arrête, parce qu'on est cassé dans le bâtiment. Pour tout l'heure du monde, on ne retournerait pas en HLM, hein, dans les cités où on était. Hein. Vous rêviez d'acheter ? C'est venu comme ça, hein, finalement, sans savoir comment c'était. Moi, je ne connaissais pas trop les mobilos. Combien ça vous est revenu ici ? Nous, on l'a acheté, tant que je ne vous dise pas de bêtises, on l'a acheté en 2002, 11 721, en euros. Hein, voilà. Ouais. Vous auriez pu imaginer acheter autre chose ou pas ? C'est-à-dire qu'à nos âges, qu'on s'est connus, non. Déjà, les crédits, vous savez très bien que ça maintenant, ils ne les passent pas, hein, à un certain âge. Vous aviez quel âge ? Comptez, j'ai 70 ans, on s'est connus, ça va faire 15 ans. Parce que nous, on s'est connus vite fait, on s'est connus en février, et au mois de mai, on habitait ici, nous. J'ai dit, à nos âges, on n'a rien à perdre, ça marche pas, on se sépare, hein, mais bon. Et donc, j'avais... Compte 70 moins 15, ça fait 55, c'est ça, hein. Ouais, voilà. Et si je vous disais que quand on a acheté ici, hein, malgré nos âges et qu'on avait nos ressources, il a fallu qu'on demande un garant pour pouvoir avoir un prêt. Et ils ont pris mes beaux-parents comme garant qui avaient 80 ans. Ouais, tu te rappelles ? Voilà. On a un petit bout de terrain quand même, ça fait combien ? 180 mètres, hein, c'est ça ? Oui. La parcelle, ouais. Franchement, on est bien là. Ouais. On est content et puis voilà. Vos prénoms, c'est quoi ? Moi, c'est Ginette et Michel. Que vous allez faire de beau aujourd'hui ? Ben aujourd'hui, là, ben, à 2h, mon mari va au médecin et moi, je vais faire les magasins avec ma sœur. Bon, bonne journée. Au revoir. Voilà. Oui, j'arrive, ma sœur. Que tu lui donnes un crayon et l'enfant bâtit sa maison. Quatre carreaux pour le ciel, une cheminée pour l'orel. À gauche un pommier pour la tarte. Ce que dit la loi, c'est que les terrains de camping ne peuvent accueillir que des mobil-homes, des caravanes ou des habitats démontables et transportables rapidement, et pour une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. À cela s'ajoute le code du tourisme qui précise le fait que ces habitants ne peuvent élire domicile dans un camping, même si dans les faits, énormément de gérants contournent la loi, accueillent des résidents à l'année et domicilient les personnes qui se trouvent sur leur terrain à l'adresse du camping. La conséquence de cette législation la plus importante, c'est que ces habitants sont donc régis non pas par le droit du logement, mais par le code du tourisme. C'est-à-dire qu'ils sont privés en fait de toutes les garanties qui sont attachées au bail locatif standard. Voilà, donc on est dans un système qui place ces personnes dans une position de privation de droit, où elles sont très peu protégées, où elles disposent de très très peu de support pour se défendre éventuellement en cas de litige avec un propriétaire ou pour faire pour assurer leur situation. On a également une dépréciation importante de la valeur de ces habitations. Différentes études ont montré que la plupart perdaient à peu près 30% de leur valeur dès la première année, jusqu'à 70% au-delà de 10 ans. Donc de ce point de vue, on n'a pas la constitution d'un patrimoine, avec donc une possibilité de transmettre ce bien à d'autres personnes, à sa descendance par exemple, qui sont extrêmement réduites, donc qui amène aussi à relativiser l'idée qu'il s'agirait d'une forme d'accession comme une autre. Et enfin, le fait que ces habitants sont donc locataires de la parcelle, et donc ils peuvent être sommés de quitter les lieux à tout moment. C'est-à-dire que si le propriétaire décide pour une raison ou une autre, parce qu'il prend sa retraite, parce qu'il fait faillite, parce qu'il veut se reconvertir dans une autre activité ou attirer une clientèle plus aisée, par exemple, ces personnes ont très peu de garanties, très peu de support pour contester la décision et elles sont souvent dans des difficultés très importantes pour trouver un autre terrain et déplacer leur mobil-home. Nous, on arrivait ici en 2012. Oui, 2012. Donc, on avait été voir madame et monsieur Bichu pour avoir une location. On l'a eu très rapidement. Donc, un petit bungalow au départ. On avait deux petites chambres. Ouais, deux. On a deux enfants. Après, on avait demandé à madame Bichu et monsieur Bichu par rapport à un plus grand mobilhome. Donc, on avait eu un trois chambres. Après, on a eu l'opportunité par rapport à ici, donc, terrain propriétaire, d'avoir acheté ça. Et là, ça va faire... Ça fait 2 ans au mois d'août, là, qu'on est ici maintenant. Du coup, aujourd'hui, vous êtes propriétaire. Oui, on est devenu propriétaire. On a décidé d'acheter parce qu'on se plaisait sur le camping. Ouais. Et auparavant, vous viviez où ? On était en Normandie. Je travaillais dans les pompes funèbres. Et vous, madame ? Mère au foyer. Moi, j'ai perdu mon emploi. Donc, on s'était rapproché de la famille à ma femme qui habite dans l'Oise. Donc, on est arrivé ici. On s'est mis directement sur les marchés. En tant qu'auto-entrepreneur. Est-ce qu'on peut visiter ? Oui, bien sûr. Donc si vous rentrez dans le salon. On n'ayez pas peur, il y a des chiens. Alors c'est un petit salon dans les couleurs mauve et blanc. Hein, tout à fait. Avec un canapé gris et blanc, donc qui est en L, face à vous la télévision. Là, visiblement, vous étiez en train de manger sur la petite table basse du salon. Comment vous le décririez ? Moderne, et puis même par rapport à l'extérieur. Là, c'est encore en bois, et nous, on a l'intention de le faire complètement en PVC blanc. Pascal, Isabelle, lorsque vous étiez en Normandie, vous viviez dans quel type de logement ? Appartement, location. On avait un type 3 en duplex. C'était une grande ville, hein, c'était Le Havre. Donc les loyers, c'était déjà très cher. Ça devait être dans les 750 euros de location, à peu près. Et on n'avait pas le droit à la paix, on n'avait le droit à rien. Puis, forcément, après quand j'ai perdu mon emploi, on ne pouvait plus, quoi. C'était pas possible. Alors, cette activité de marché, vous disiez, ça vous rapporte à peu près combien par mois ? 1500, 1700 euros, à peu près. Et en période d'hiver, c'est divisé par deux. Et aujourd'hui, ce mobilhome aménagé, que vous aménagez au fur et à mesure, il vous revient à combien alors ? Ici, on doit être environ dans les... En période d'été, 400-450 euros, avec l'eau et l'électricité. Et en période d'hiver, 650. Mais tout compris. Hein. La location de la parcelle, le mobilhome, on l'a acheté. Et l'eau et l'électricité. On voulait accéder à la propriété, mais devenir propriétaire, c'est très cher. Et on a eu l'opportunité par un pari ici, et bon. Là, maintenant, on s'en sort bien. Ça va, quoi. Et le mobilhome, on l'a payé que 4000 euros. Donc après, avec les travaux qu'on a fait, on doit être à peu près aux alentours de 6000, pour l'instant. Vous diriez qu'il y a à peu près combien de mètres carrés ici, dans votre mobilhome ? Moi, je dirais qu'il y a 65-70 mètres carrés à peu près. Puis on a quand même la tranquillité ici. Oui, on a quand même la sécurité, point de vue voisinage, point de vue portail, parce qu'il est fermé. Donc on a quand même la sécurité pour les enfants et puis pour les véhicules, que dans un pavillon, par rapport au voisinage et tout, ça dépend où on tombe, quoi. Mais là, en même temps, vous êtes proches les uns des autres, quand même, c'est un peu... Oui. Ça vous gêne pas, il y a une bonne entente. La promiscuité, ça vous gêne pas ? Non, pas du tout. Sur ce parc-là, enfin, là, il n'y a pratiquement que des propriétaires, ici. Et sur ce parc-là, c'est pratiquement que des personnes retraitées. Donc, déjà, il n'y a pas beaucoup d'enfants, il n'y a pas de bruit. C'est calme, c'est très calme. Il n'y a pas à se plaindre. Non, parce qu'on n'a pas de crédit, si vous voulez, on a les charges sont quand même assez basses. Non, ça va. Dans l'ensemble, ça va. Ouais. On était en appartement, au niveau des charges, tout est électrique, les factures, c'était 200 euros tous les mois. Que ici, on ne les dépasse pas, quoi. Donc, on s'en sort bien. En Europe, la France est dans une position médiane en termes de pourcentage de propriétaires. Jean-Claude Drian, spécialiste des politiques du logement. On a un peu moins de propriétaires que chez les Anglais, on a un peu moins de propriétaires, voire beaucoup moins que dans beaucoup de pays d'Europe du Sud. Et puis vous avez des pays dans lesquels il y a moins de propriétaires qu'en France. C'est les pays d'Europe du Nord, l'Allemagne, la Suisse. La France, si on se compare à d'autres pays européens, elle a la vertu, qui est le fait qu'on a une offre de logement relativement équilibrée en trois grandes catégories de statuts, qui sont la propriété, le locatif privé, qui existe encore en France, alors que dans certains pays, il a quasiment disparu. En Angleterre, il a quasiment disparu, à l'exception de Londres. En Espagne, il est très faible. Et un parc locatif social relativement abondant. La propriété n'est évidemment pas une panacée pour tout le monde. Et d'ailleurs, en France, on n'a jamais, contrairement à certains procès qui ont pu être faits à certains hommes politiques, on n'a jamais véritablement mis en place des politiques de tous propriétaires. Jamais. D'ailleurs, Sarkozy, quand il était président de la République, ou en campagne, mais d'ailleurs, il n'a pas été le premier, loin s'en faut, hein, Giscard, etc. Même au 19e siècle, on trouve des traces de la France de propriétaires. Sarkozy, quand il a été élu, disait « Je veux atteindre 70% de propriétaires bon. ». Alors 70%, ça ne veut pas dire tous, déjà. Ça, c'est un premier point. Bon. Il n'y est évidemment pas arrivé, parce que passer de 58% à 70% en 5 ans, c'est absolument inatteignable. Hein. Il faudrait faire sortir plein de locataires de leur logement. Enfin, bon, techniquement, c'était absolument pas faisable. Et puis, bon, il y a une crise qui lui a un petit peu freiné les velléités. Maintenant, 70% de propriétaires, ça ne veut rien dire non plus. Parce que 70% de propriétaires à 30 ans, ça n'a aucun sens. 70% de propriétaires à 65 ans, au moment de la retraite par exemple, ça commence à avoir du sens, parce que être propriétaire au moment de la retraite, c'est avoir ne pas avoir de charge de loyer, ne plus avoir de charge de remboursement, donc être pleinement propriétaire, ça permet d'assumer plus facilement la baisse de revenus, etc. Donc là, ça a du sens. Et ben, ça tombe bien, parce qu'à 65 ans, on est au-delà des 70% de propriétaires. Donc de fait, l'objectif Sarkozy, il est atteint si on le prend de façon réaliste. C'est vrai qu'être propriétaire au moment où la vieillesse vient, ou même la dépendance vient, sachant ce qu'est le coût de la dépendance, il y a vraiment un sens à cela, et je pense d'ailleurs qu'une part des politiques de promotion de la propriété sont en fait des politiques de la retraite et de la vieillesse. Maintenant, il faut quand même avoir les moyens d'être propriétaire. Et être propriétaire sans avoir les moyens, c'est prendre le risque d'entrer dans une mécanique infernale. Et c'est là aussi encore un des rôles majeurs du logement social, qui accueille de plus en plus de gens relativement âgés, y compris. Hein. Donc tout ce propriétaire est extrêmement dangereux, serait extrêmement dangereux. Comme la majorité des Français, Elisa et Stéphane rêvaient de devenir propriétaires. Leur choix s'est porté sur une vieille demeure à proximité d'un cours d'eau dans l'Oise. La clé dans la porte, ils découvrent que leur maison est un gouffre énergétique et leurs ressources insuffisantes pour remettre en état le bien acquis. C'est au terme de 10 ans de galère que le couple sort enfin la tête de l'eau grâce à l'intervention du réseau Eco-Habitat. Fondée par Franck Billot, cette association vient en aide aux propriétaires occupants en difficulté en les accompagnant dans la réhabilitation de leur logement. Aujourd'hui est un grand jour pour Elisa et son mari. Les travaux viennent à peine de débuter. Bonjour, Madame Corbignon, Elisa. C'est une maison un petit peu atypique. On a une première partie qui est composée d'actuellement d'une chambre et d'une cuisine, avec à l'étage sur lequel on effectue des travaux d'isolation pour faire la chambre des enfants, et une deuxième partie plus récente qui est composée de la salle à manger, d'un dressing et des toilettes. On a une maison qui ressemblait un petit peu à une passoire en réalité, puisque très mal isolée et avec beaucoup de travaux de rénovation à envisager. En arrivant, Franck, On s'est bien rendu compte qu'il y avait des travaux, ouais, qui avaient démarré dans cette maison. Depuis hier, en fait, les travaux d'isolation pour Elsa, Stéphane et leurs deux enfants ont démarré. Après 2 ans de démarches administratives, de recherche de financement, de contact avec des entreprises. Donc c'est un peu un grand jour depuis hier de pouvoir faire ces travaux juste avant le début de l'hiver. Pour la famille, c'est une nouvelle étape qui est chouette, quoi. Elisa, vous êtes propriétaire de cette maison ? On est propriétaire avec mon époux depuis maintenant 10 ans. Alors, on était déjà propriétaire d'un petit appartement dans une commune voisine. Et on s'est dit, maintenant qu'on travaille tous les deux, qu'on a une situation qui nous le permet, on va investir et acheter un bien. On avait envie d'espace vert, de plein air. Puis on avait envie de bâtir un foyer, d'avoir des enfants qui courent dans le jardin. Donc on s'est dit, c'est le moment d'acheter. On a contacté notre banquier, on lui a demandé si c'était possible. Il nous a dit, ok, pas de problème, venez, c'est possible. En mars, on avait trouvé un bien qui nous plaisait. En octobre, on était propriétaire. Mais c'est vrai que lorsqu'on n'a pas d'appui ou d'entourage, ayant connaissance en fait de l'investissement qu'il faut faire dans une maison, c'est assez compliqué. Nous, on était tous les deux, on était seuls. Vous avez dit que c'est une maison qui avait jamais été inondée, que la personne qui y résidait était là depuis plus de 50 ans, que donc elle connaissait bien sa maison. Donc non, on pensait vraiment investir dans quelque chose à rénover, certes, mais à moindre coût. Il y avait un coup de peinture, c'était tout neuf, ça sentait un petit peu le renfermé, mais bon, lorsqu'on a fait venir des professionnels, on s'est vite rendu compte que tout ce que nous on pouvait faire, c'était des petits pansements. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait pendant des années, en faisant des remplacements de plaques de plâtre d'un côté, en changeant les Velux de l'autre, en changeant les fenêtres après. C'était régulièrement mal fait, c'était que des pansements, voilà, tout simplement. On l'a acheté avec les frais de notaire, 165 000 euros. Maintenant, les investissements, durant ces 10 dernières années, on a dû mettre déjà plus de 70 000 euros. Et aujourd'hui, on a fait le constat qu'il fallait presque tout refaire pour pouvoir y vivre de façon sereine. J'ai deux enfants qui ont déjà été hospitalisés 5 fois du fait de l'humidité. Mon fils souffre d'asthme sévère. Ma petite fille a déjà fait deux bronchiolites également. Bon, c'est des maladies infantiles, mais normalement, elles ne sont pas aussi récurrentes. Donc, c'est bien lié, en fait, à l'habitat. Qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie, votre époux Il est agent de sécurité incendie. Et moi, je suis fonctionnaire. On a tous les deux des ressources qui rentrent chaque fin de mois. Mais même avec ces ressources, pour mettre cette maison en état, on ne peut pas le faire. Vous avez envisagé un moment de revendre cette maison ? Tout à fait, on y a pensé. On a aussi pensé y mettre le feu, mais c'est pas légal. On a envisagé de revendre cette maison. Seulement, le prix à la revente, une fois qu'on a connaissance de tous les vices, autant dire qu'on l'aurait donné. Parce qu'on peut pas maintenant, rationnellement, dire bah, « Écoutez, je vous vends cette magnifique maison avec 70% de taux d'humidité, avec un toit ouvrant panoramique. » Donc du coup, effectivement, on n'a pas pu se résoudre à la vendre. On paye un crédit mensuel qui est de moins de 600 euros pour un appartement, même en HLM F4, on n'aurait pas moins cher. Donc on aurait perdu toutes ces années sans rien avoir, repartir les deux mains dans les poches. On aurait le crédit à rembourser, plus la location d'une nouvelle maison. C'était pas possible, pas envisageable. Donc on est obligé de faire avec ce qu'on a et de composer. Heureusement, on a pu être mis en contact avec le réseau Ecohabitat. Sinon, je ne sais pas comment on aurait pu faire. Réseau Ecohabitat, donc, que vous avez fondé, c'est ça ? C'est quoi ? Alors, Réseau Ecohabitat, c'est né d'un constat en fait qu'on a fait au Secours catholique, que 25% des aides consacrées par l'association sur le territoire Picard servent à payer des factures d'un payé d'énergie pour des gens en difficulté financière. Donc le raisonnement, c'était de se dire, plutôt que de donner l'argent en fait aux fournisseurs sans changer le problème de fond que sont les maisons mal isolées, il valait mieux aider en fait les personnes en difficulté financière à aller chercher en fait les aides financières, les dispositifs qui existent, qui sont nombreux. Donc là, c'est ce qui s'est passé avec Elsa et Stéphane pendant presque 2 ans. Et 2 ans, c'est très long, j'allais dire trop long, parce que du coup, souvent, les gens se découragent un peu. Et voilà, donc du coup, ce jour est un petit peu magique en termes de réalisation. La maison, en fait, il y avait quand même un gros constat, en fait, d'humidité lié au petit cours d'eau, en fait, qui passe pas très loin de cette maison. On a vu, d'ailleurs, il y a des canards dessus, voilà, des pommes vertes. Le coin est magnifique, mais voilà. Donc on voit que la charpente est ouverte, c'est ça. Ils sont en train de poser de nouveaux Velux pour limiter notre consommation électrique, c'est-à-dire que, comme c'était très très sombre, on était obligé d'allumer. Comme là, vous pouvez constater, on est dans le salon, les lumières sont allumées alors qu'il est 14h. Et ensuite, ils vont isoler. Beaucoup de ménages que la Fondation rencontre qui sont en difficulté sont dans des logements pourris, y compris des propriétaires, y compris en milieu rural, y compris qui ne demandent rien, et qui sont dans des logements complètement pourris. Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre. La toiture s'effondre, les murs ne sont pas isolés, et évidemment, avec le coût de l'énergie aujourd'hui, c'est devenu un enjeu de société majeur. Hein, on a plus de 10 millions de personnes qui souffrent de la précarité énergétique, c'est-à-dire qui dépensent trop pour se chauffer ou qui ne se chauffent plus. Donc, on a besoin d'une politique très offensive de rénovation thermique des logements. Et d'ailleurs, la loi de transition énergétique qui a été votée dans le précédent quinquennat fixe un gros objectif. Hein, 500 000 logements rénovés par an, dont 250 000 pour les plus modestes. Donc là, il faut absolument qu'on se mette en ordre de marche d'atteindre ces objectifs. En fait, on constate depuis 10-15 ans que le coût de l'énergie en fait a augmenté. Et donc, ce sont beaucoup de propriétaires occupants que l'on accompagne, qui souvent se disent « parce que je suis propriétaire, j'ai le droit à rien ». Voilà, c'est ce qu'on entend. Beaucoup de dames, en fait, veuves, qui habitent en milieu rural. Donc souvent des gens qui vivent un peu cachés et qui, avec l'augmentation du coût de l'énergie, des maisons qui se dégradent un peu, n'ont plus les moyens de faire face, en fait, à leurs dépenses financières et font le choix de ne plus se chauffer. Et donc, il y a une véritable privation de l'énergie. Vous avez toujours continué à vous chauffer ou pas, Elisa ? Oui, on s'est endetté, mais non, on s'est toujours chauffé. On a des arriérés de factures encore en attente. Mais bon, voilà, avec deux enfants, on compose comme on peut. Puis après, il y a quelque chose qui n'est pas facile, c'est d'aller chercher dans l'entreprise du bâtiment. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ont des maisons tellement dégradées que quand une entreprise vient... La liste est tellement grande que les entreprises du bâtiment se disent « mais comment je vais être payé quoi ?» Donc on a des entreprises qui ont tendance à fuir. Effectivement, j'ai contacté énormément d'entreprises. J'ai dû en recevoir durant ces deux années 3 ou 4 et j'ai obtenu 2 devis. Donc notre travail à nous, j'allais dire en tant que réseau Ecohabitat et en s'appuyant sur des bénévoles de terrain, c'est de créer des relations de confiance avec les partenaires qui financent, avec les entreprises du bâtiment et avec les personnes qui sont dans un parcours qui peut être assez long. Et bien souvent, il y a des gens qui disent après un an et demi, bah, je n'y crois plus et j'arrête. Voilà, donc, Nicolas Masson qui nous a rejoint de l'entreprise MRPS, avec qui on travaille maintenant depuis 2 ans. Voilà, Monsieur Masson accepte d'intervenir sur des chantiers qu'on lui préconise. On travaille avec des matériaux aussi biosourcés. Aussi, un peu notre devise, c'est de dire c'est pas parce que les gens ont moins de moyens qu'il faut mettre du moins cher. Est-ce que vous étiez un petit peu sceptique au départ ? Vous avez hésité à venir ou... Non, ça change du quotidien de ce qu'on voit tous les jours, quoi. Là, il y a quand même des gens un peu plus en détresse que... Il y a une dimension sociale, quand même, là, dans votre... Ouais, un petit peu plus que... Oh, moi, je viens pas d'une... Mon cursus, ma mère était femme de ménage, donc je suis pas... J'ai grandi, pas en précarité, mais on n'avait pas beaucoup de moyens non plus, quoi, donc... Donc on est plus sensible, on sait ce que c'est, quoi. Les travaux sont finis dans combien de temps, à peu près ? A priori, dans un délai de 3 semaines. J'habite du mauvais côté, celui de l'ombre. Et tous les soirs, je viens rêver devant les ombres. Car ceux de la maison d'en face ont du soleil à volonté. Car ceux de la maison d'en face ont tout ce que je désirais. Y a qu'une rue qui nous sépare, mais large comme un océan. Et y a des jours où j'en ai marre, où je voudrais changer de camp. De ma fenêtre, je les vois vivre mon rêve sans pudeur et laisser s'échapper leur joie qui viennent me frapper le cœur. J'habite du mauvais côté. Merci à Salima, Charlène de Vargas, Isabelle et Pascal, Ginette et Michel, ainsi qu'à Christophe Robert. Prise de son, Benjamin Chauvin, mixage, Éric Boisset. Car ceux de la maison d'en face. C'était Mon toit prend l'eau ou le mirage de la propriété, un documentaire de Jérôme Sandlars, réalisé par Véronique Samouiloff. En tout ce que je désirais, il y a une femme si jolie. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter avant la réunion de CoPro, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Bonne Apolivier, Mathias Mégy et Anise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et ailleurs et nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Demain, dernier épisode, parce qu'il faut bien s'abriter quelque part. Mais en attendant, restez à l'écoute.